Oui, ça y est, c'est l'enfer. C'est l'enfer vert. Vous êtes au milieu de la jungle de Pyongyang City Rockers pour le numéro 279. Les Pyongyang City Rockers se suivent et ne se ressemblent pas. Peut-être sauf au niveau de la musique. Je sais pas. Et encore. La semaine dernière, ils étaient là. Cette semaine, et j'étais pas là. Cette semaine, ils sont plus là. Et je suis là. Heureusement, Jérémy est le point central autour de. Heureusement que je suis là. Tout s'articule. Cher ami. Et donc, ce soir, émission tout seul à deux, Jérémy et Stéphane. Pour ça, les autres, ils sont en concert, voire GBO, et puis Oi Boys, je crois. Alors, du coup, on le dit, comment tu dis GBH. GBO. Bah, à Donor, on dit GBO. C'est Courrezy, hein, c'est au Black Lab, et puis Oi Boys, c'est à la bulle. Oui. Bon, ben, on a perdu Killing Joke, donc on va passer à autre chose. Presque Killing Joke. Presque King Joke. Qu'ils se sont inspirés de Killing Joke pour le nom de leur groupe. Avec un trio belgo-allemand, germanique, qui s'appelle Complication. Avec deux K. Comme Yukun Kun. À chaque fois, je vais la faire. Il n'y a pas de guitare, mais ça marche quand même. C'est pour dire. Je vous propose leur morceau Haters, histoire de bien se mettre en marche. Hein. Oui, les haïsseurs vont haïsser. Tout à fait. Ce sera pour les haïtiens qu'on passera après. Ou pas. Bien. Enfin bon. Allez. Oh, c'est bien. Hein. Voilà. Et bah, sans plus tarder, après ceux qui se sont inspirés, au moins pour le nom, puis c'est vrai qu'ils ont quelques titres quand même qui sont assez King-Jokesque, Complications ou Complications, ça dépend de quel côté on est. Voici maintenant les vrais King Joke avec le Jazz Coleman qui commence par tousser au début, et je voulais le passer parce que moi j'ai toujours la gorge. Tu continues à tousser. La gorge en feu, n'est-ce pas? Et donc peut-être la semaine prochaine je serai mort, mais vous ne le saurez pas car il n'y aura pas d'émission. Mais ça, c'est parce que t'as trop crié jeudi dernier. Non. Non, j'ai rien fait, moi, je vous jure. Je vous jure, monsieur. Ouais. Voici donc Killing Joke avec War Dance. Youpi, eh, oui. C'est beau, hein, ouais. Hein, voilà, Killing Joke, 1980, 79, je sais plus. J'ai plein de vieux trucs ce soir, encore une fois, c'est bizarre, hein, voilà. Et comme on est à deux, on fait une partie de ping-pong, c'est ping-pong, Steel Rockers. Ouais. Bah, du coup, je vais mettre des plus jeunes, alors. Hein, oui, mais je vous en prie, je vous en ai un peu tout ça. Avec un quintet qui se définissent comme goth indie punk de Nouvelle-Zélande. Ça revient en vogue bien le goth. Hein. Alors, je trouvais qu'ils avaient des morceaux très variés dans ce qu'ils proposaient. J'en ai sélectionné un. Il faut savoir que les autres ressemblent pas forcément. Ah, donc tu vas pouvoir passer tout l'album en fait. On peut passer tout l'album aussi. Il y a d'ailleurs certains morceaux qui m'ont fait penser à du Blondie. Oulala. Enfin, si tu vois, ça se définit comme goth. Tu veux que je sorte ? Enfin, donc bon, je pense que goth. Je pense que t'aimeras bien du coup. Ouais. Forcément. Non, Blondie, franchement, il y a deux trois trucs, ouais, mais sinon, je trouve qu'on a fait beaucoup hein, sur ce truc qui était vraiment pas. C'est parce que la meuf elle est bien roulée quoi, puis elle est blonde, voilà, c'est tout. Hein, faut pas chercher midi à 14h. Hein. Le groupe, il s'appelle vraiment des trucs de mec, hein. The Tax, T-A-C-K-S, uh-huh. Et leur morceau, ça se rappelle Someone Else. Ben voilà, mais pas Blondie. en effet, Blondie. Bon, bah, moi, j'oublie. Blondie, j'oublie. Vous êtes bien sur Campus 106,6, c'est Pyongyang City Rockers, jusque 21h. Et puis, bah, maintenant, puisque quand même, je passe pas que des vieilleries, je tiens à le signaler, pour ceux qui auraient la langue un peu trop mauvaise, voici un extrait du nouvel album de Pizza, qui s'appelle La fin du début. Pizza, avec Benoît, qui vient de Beaublanc. Enfin, maintenant, il habite à la Bretagne, hein, tu sais. Enfin, dans la rouille, à la Bretagne. Et donc, bah, il a sorti cet album le 22 janvier, c'est-à-dire il y a 3 jours à peine. Ah oui, c'est tout frais. Sur Mon cul, et Mon cul, c'est du tofu, n'est-ce pas ? Ouais. Le fameux label. Le fameux label, qui lui aussi maintenant a déménagé en Bretagne, me semble-t-il. Et donc, est-ce sur ce titre Mission d'émission ou sur l'un des autres, des 12 autres que l'on entend, la 12 voix du spécial guest GG Bonheur, encore un Lillois connu dans toute la galaxie. Et coucou, GG. Bah, je sais pas, parce que bon, je peux bien. Pas bien reconnu, j'avais toussé. Et donc, allez savoir, en tout cas, voici Mission d'émission. Ça parle de mon thème sous-jacent de ce soir et jusqu'à au moins mardi prochain, vu que bah, il y a encore grève demain, il y a défilé à Roubaix. Mardi, il y a grève nationale. Et puis après, bah, après on débraye, on bloque les raffineries, on bloque la production, on renverse le gouvernement. Et après ça, bah, on s'encule en regardant la télévision. Voici donc... T'as quand même un programme bien chargé, hein, je trouve. Comme Bogor. <Ouais. rire> Oui, voici donc Pizza avec... ça peut se trouver donc sur le Bandcamp de Mon cul, moncul.bandcamp.com. Après, vous cherchez Pizza, enfin, c'est pas compliqué, il y a 3 Z. Sinon, hein, Pizza. Vous envoyez un mail à pyongyangcityrockers@gmail.com. Et puis, donc, voici Pizza avec Mission d'émission. Écoutez bien. Oh, tu m'as pris pour un minerai. Va crever à la mine à ma place, si vraiment tu trouves ça gay. Je démissionne bouffonne, je me barre connard. Pas de préavis, pas de compromis. Tes délires de RH ont tout moisi. Tu m'exploites, tu t'éclates pas corporel. Démission d'intérim, me rase la race. Démission en cascade de l'ouvrier au cas. Plus personne pour trier dans la baraque. Salut, je donnais ma démission. Ils m'ont bien pelé comme un oignon. Les larmes aux yeux, le cerveau en ébullition. J'en pouvais plus, c'était la prison. Et là je me sens libre et en pleine forme. Prête à affronter la vie sans leur norme. Putain que c'est bon, ouais c'est énorme. Remont vers bleu, la vie est moins mort. Mission, démission, sabotage et action. Mission, démission, vole ton travail, ton patron. J'ai pas le temps pour bosser, je veux pas être salarié. Mon temps est précieux, j'en fais ce que je veux. Dimissioni per i padroni, dimissioni per i lavoratori, dimissione per la distinzione, avanti popolo con il bastone. Nella fabbrica, por la libertà, della anima, nix le patronat, met feu à l'usine, boya des déboya, met feu à l'usine, boya des déboya. C'est la grande démission, grève générale et désertion. Pour éviter la dépression, nous n'irons plus au charbon. Et on n'a pas d'autre revendication que jouissons, jouissons, jouissons, jouissons, jouissons, jouissons, jouissons, jouissons. Jouissons, démission. Mission, démission, sabotage et action. Mission, démission, vole ton travail, ton patron. J'ai pas le temps pour bosser, je veux pas être salarié. Mon temps est précieux, j'en fais ce que je veux. Mission, démission, sabotage et action. Mission, démission, vole ton travail, ton patron. J'ai pas le temps pour bosser, je veux pas être salarié. Mon temps est précieux, j'en fais ce que je veux. J'en fais ce que je veux, et ben voilà, bon ça ne brille pas par la finesse, par contre c'est assez entraînant, voire joyeux, et en plus il y a des claviers, du synthé, tout ça, poète poète, si vous cherchez le synthé mais avec un peu plus de finesse, mais et le côté en même temps chanson française mais triste, la chanson française triste, c'est ce soir à la Bulle Café Maison Folie Moulin, rue, merde je sais jamais si c'est la rue d'Arras, voilà, enfin pas loin du Lyoté quoi, du Lyoté, et il y a Boys et Noir Boy George et puis je sais plus qui. C'est tout. Bon bah voilà. Et Tite y va après. Mais ouais, non. Ouais. J'ai autre chose à foutre hein, quand même. Puis bon, non, bah, enfin, Oi Boys c'est bien, mais j'ai déjà vu 10 fois. Et puis Noir chose. Là. Bref, c'était Pizza, c'est quand même mieux. Hein. Et je dis pas ça seulement parce que c'est des copains. C'est bonne ambiance ça. Ouais, allez. Allez, on dit au revoir aux gilets jaunes. C'est Gilles s'en va avec son. Ouais, bah voilà. Allez, vas-y, au revoir, au revoir. Moi, je vais enchaîner avec un groupe de d'indie rock. Indianapolis. De Philadelphie. Aux États-Unis d'Amérique. Oui, ils ont vu beaucoup d'Amérique. Hein. Ouais. Qui s'appelle Bichleng. Quoi? Bichleng. Bichleng? Ouais, je ne sais pas prononcer. C'est de l'Alsacien, ça. Ouais, c'est compliqué. J'avais pas écouté leur dernier album. Moi, j'ai trouvé un petit truc un peu marrant. Et donc, maintenant, tu l'as écouté. Voilà. Et tu veux nous faire part de ta découverte. Tout à fait. Voilà. Le morceau, il s'appelle Tommy in the 80s. Ah bah, je ne sais pas qui est Tommy, mais peut-être je l'ai connu. Peut-être. Enfin, j'espère que vous vous reconnaîtrez en lui. C'est Genesis, là. C'est quoi ce bordel là, c'est même pas les 80s quoi. Moi, ouais, si ça continue, je m'en vais. Hein. Il m'a bien fait marrer ce morceau. Hein. Vous êtes bien en train d'écouter Radio Campus et c'est bien Pyongyang Styrokers numéro 279. On en a encore pour un bon 33 minutes et quelques. Et maintenant, je vais revenir à quelque chose d'un peu plus strict. Qui dit strict dit russe. Mais on prend toujours des risques à passer des groupes russes, à aller savoir de quel est leur bord politique et quelles sont leurs opinions. Ça a d'ailleurs toujours été le cas. Regardez Igor Letov, le barbu de Grajdanskaya au Borona, qu'adore Gaël. Salut Gaël. Il est donc Igor Letov est passé par toutes les couleurs de la politique de son pays, y compris le parti Nazbol. national bolchevique, dont il était, je crois, l'un des fondateurs, dans les années 90. Oh, oui, et plus tard, il s'en est repenti, mais trop tard, hein, fallait y passer avant, ma gros. Et on va bientôt lâcher sur toi les plus radicaux de nos juges en fauteuil, genre ceux qui infestent les réseaux sociaux et se répandent en imprécations et exclusions définitives contre le moindre écart à la norme. Alors, les nationaux bolcheviques, vous pensez bien que, on ne devrait pas le rater. Bon, à noter quand même que l'étoffe, qui est mort en 2008, donc maintenant il n'y en a plus rien à secouer, il a fini dans un état d'esprit plus ou moins gauche-écolo. Comme quoi, il est vraiment passé par toutes les couleurs. Je dis gauche-écolo pour dire vite, hein, parce que ce genre de grille de lecture, c'est très très réducteur dans un pays comme la Russie, dont la politique n'a strictement rien à voir avec ce qui se passe dans les pays occidentaux, dont la France. Autre exemple récent, Pourguen, un des plus anciens groupes russes punk encore en activité. On dirait bien, au vu de sa dernière interview vidéo, que le mec avale tout cru la propagande poutinesque pour la recracher comme il faut. Alors bon, vous me direz, en France, il y a bien des cons qui votent Macron. Vous avez raison, rétorquai-je, mon cher Jérémy. Ah bon, vous avez raison. Mais au moins, la France, c'est un pays démocratique qui taillade les tentes des réfugiés et laisse des gosses de 5 ans à la rue. Alors que la Russie, eh ben, c'est des Russes. Oh là, eh ben, donc, tu vois, c'est pas la même chose. En plus, pour le cas, je reste sur le cas du mec de Pourguen. Comme mon niveau de langue ne me permet pas encore d'appréhender les subtilités de la langue russe, donc, je me contente de parler au conditionnel. Peut-être qu'il est un petit peu cintré du côté nationaliste de la ou poutinien de la force, mais allez savoir si en fait ça serait pas l'éditeur du vidéozine qui surinterpréterait les propos de son invité, ou qui lui-même serait enfin bref. Qui manipulerait. Des zines qui manipulent, on en connaît, hein. Et pas très loin d'ici. Bref, j'ai envie de savoir donc s'il y en a des qui causent couramment le russe et sont enclins à nous donner un coup de main sur les traductions, c'est pas de refus. Et c'est le 03 29 112 400 pendant les plages musicales, dont une qui va arriver maintenant. En effet, ce soir, pas de Grajanskaya au Borona, pas de Pourguen, mais un groupe Oi Sharp issu de la riante bourgade de Vladimir, pas très loin de Moscou. Enfin, c'est quand même une grande ville, hein, il y a, je sais plus, 500 000 habitants, un truc comme ça. C'est une bourgade, hein. Voilà, il s'agit de RG6, les deux lettres, RG avec un tiré puis un 6. Voilà, je sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, c'est un groupe Sharp. Et puis bah voilà quoi, enfin donc au moins ils sont antiracistes, ce qui en Russie est pas forcément non plus toujours facile à trouver. n'est-ce pas? Bref, leur dernier effort signalé sur leur Bandcamp date d'il y a un an. Donc ça se trouve sur rg-6.bandcamp.com. Le titre, c'est un genre de halte-là. En russe, ça donne Neproiti. Et voici RG6 en avant. We'll be right back.

aussi joli avec le piano et le pain. Je t'embioche. Bah ouais, c'était. Enfin, surtout au début. Hein. Ouais, quand ça va vite et ouais, que ça, ouais, ça envoie. C'est Power Violence, tu vois, boum. C'était Pilori avec leur morceau Quand bien même l'enfer. Quand bien même l'enfer, je resterai. Ben voilà. Et ils jouent samedi, me dit-on dans mon oreillette. Ouais, ils jouent samedi à la Brad Cave. Ça coûtera 9 euros. Ça commencera, ah, je dis à Kerr, tu sais. Ça commencera à 19h. Il y aura 4 ou 5 groupes. On sait plus bien. Il y aura Pilori en tête d'affiche. On sait plus bien. Il y aura aussi Days of Desolation, un groupe de grind punk. Il y aura Insane Order, ça on les présente plus, hein, qui nous font du death grind. Et Saddam, qui nous font du power violence. Voilà. Youpi. Quoi, bah, Excerpt voilà, dit par We Are Not Worthy. Yes, excellente association locale qui organise des concerts un peu partout, n'est-ce pas? J'avais fait mes russes, là, et maintenant je fais mes rides. Non, Eh ben, puisque c'est comme ça, et puisque vous m'embêtez, voici maintenant. Oui, j'avais passé un groupe suédois il n'y a pas longtemps en disant que la Suède, on s'y faisait chier, il ne s'y passait rien. Je m'attendais à ce que des gens me téléphonent parce que bon. Finalement, ils avaient trop froid pour téléphoner. C'est vachement bien la Suède, mais en fait, je voudrais poursuivre sur ce sentier. Comme quoi que la Suède, c'est un pays chiant. En 1978, sur leur troisième album Black and White, les Stranglers ont entre autres un titre qui s'appelle Sweden, qui raconte comme quoi c'est un pays chiant, le seul au monde où les nuages sont intéressants, disent les paroles. Aussitôt piqués au vif, les Rude Kids, les punks suédois de la première génération, révèlent leur vieux chauvinisme chauvin. Et puisque la Suède c'est si paisible, pourquoi vous venez pas jouer ? En substance, c'est ce qu'ils disent dans un titre qui répond aux Stranglers et qui d'ailleurs s'appelle Stranglers. Bon, en vrai, les Stranglers étaient déjà allés jouer en Suède, mais surtout, c'est leur chanteur Hugh Cornwell qui connaissait bien le coin, puisqu'il s'y était royalement fait chier pendant un sacré moment, du temps où il y était étudiant. Donc, il avait eu le temps de vraiment de se faire chier. Et, voilà. Et en plus, c'était avant 77, donc à mon avis, c'est encore pire. Bref, les Rude Kids sont pas contents que des étrangers potes chez eux disent du mal de leur trou à vache. Le titre, donc, c'est Stranglers, If It's All Quiet, Why Don't You Play. Ensuite, en guise de réponse, j'enchaînerai sur la version suédoise de Sweden, une espèce de réponse des Stranglers, mais donc chantée en suédois, parce que Cornwell, forcément, parle suédois. Ah oui, il se planque pas les Men in Black des Stranglers. Ça fait donc Suérien, jag är insnöad på östfronten. Suède, je suis enneigé sur le front de l'Est. Voici donc premièrement les Rude Kids, suivi des excellents Stranglers et R.I.P. Brian Duffy, le batteur et chef des Stranglers, alias Jet Black sur scène, qui est décédé le 6 décembre dernier au vénérable âge de 84. Le groupe continuera-t-il encore avec Jean-Jacques Burnell et les autres? On saura au prochain épisode. Pour l'instant, voici le Rude Kids suivi de Stranglers. Yeah. 10 for rendering a poor minimum. He won't call this crossing. Chen slapper, humor for Lord and no stones. For McCartney, take a fall later, add your up. For McCartney, take a fall later, add your up. From 10. Node. Ouais, bah voilà. Et puis alors, le clavier, le truc que plein de gens n'aimaient pas et pour lesquels ils n'aimaient pas Stranglers du tout, le clavier Dave Greenfield. Lui qui est crevé du Covid en mai 2020. Voilà. Il en reste plus beaucoup, hein, les gars. Peut-être il faudrait céder la place, mais va savoir. Sinon, ouais. C'est toujours vachement bien. Hein, puis avec cette base de merde, de fou, là. Quand de même. Fou, ouais, plutôt. Ouais, ouais, voilà. Et encore une fois, donc c'est une soirée très clavier hein, ce soir sur Pyongyang City Rockers. Il nous reste 13 minutes 30. Eh ben, je te propose d'écouter un groupe où il n'y a pas de clavier. Un groupe où il n'y a pas de clavier? Comment ça existe? Il y en a. Je pourrais passer The Fall. Un quatuor lyonnais qui n'existe plus, malheureusement. Mm-hmm. Ou les partisans. Un groupe qui s'appelle Sport. Sport comme les champignons? Non, comme faire du sport. Tu faire sais, sport. Tous les jeudis soirs. Ah oui, d'accord. Et d'ailleurs, ils ont choisi pour leur premier album que des noms de villes où sont passés les JO. N'importe quoi. Et ils ont une bonne excuse ou... enfin... Bah moi c'est un groupe que j'adore et ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas écouté et je me suis dit que bah même s'ils existent plus ils font une fixette coubertinesque ou enfin, ils faisaient très après ils ont fait aussi avec ouais. des sportifs qui ont gagné des médailles aux JO. Oh trop bien. Putain j'en veux plus là. C'est les réactions là. En tous les cas, ça sera un peu plus la fête, je pense, avec l'or Calgary 1988. Ouh. Ah oui, avec les dates en plus, oh putain. Ça m'étonne que tu ne connaisses pas. Ben non. Je pense que tu vas pouvoir écouter si la discographie. Moi, si c'est après 1984, tu sais, j'ai beaucoup de lacunes. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié ton coma. Ouais. D'accord, tu vas voir ce que je vais passer après. Allez, vas-y. Alors, c'est sorti à l'époque chez Don't Trust the Hype. Vous pourrez le réécouter dans la distro locale préférée. Youpi. Et il y a Bandcamp et tout. Hein, donc. Ouais, je sais pas s'il a mis dessus. Oui, il doit y avoir. Bonjour Mika. Tout de suite, sport issu de leur démo 2011 pour nous rajeunir encore un peu. Calgary 1988. Je vais mourir avant la fin de l'émission. Mais non. Faut courir parce que voilà, on est surpris par ces émotifs. C'est le sport, hein, ça fait courir, hein, c'est normal. Oui. Alors, tout à l'heure, je parlais de Fanzine qui dit n'importe quoi. Ben voilà, qui ne dit pas n'importe quoi, sauf quand sur son numéro 1, il disait que c'était peut-être un effort, enfin qu'il n'y aurait pas de numéro 2. Bah, c'est faux, c'était faux. Vu que le numéro 2 de No Country for Old Punk est sorti au mois de décembre 2022, encore plus épais que le numéro 1, avec que des vieux. Non, pas que des vieux trucs. Aussi, c'est à peu près moite-moite entre des trucs récents. Récents et des trucs anciens et folkloriques comme One Way System. Qu'est-ce qu'il y a dans les vieux aussi? Il y a Hérésy, il y a Mob 47, il y a Chaos, une interview de du. Enfin, je pense que c'est une fausse interview du chanteur de Chaos, vénérable et défunt groupe finlandais, qui était K-A-A-O-S. Oui, K-2-A-O-S, qui était aux origines du potin punk. Il faisait du boucan. Hein. Et pourquoi je dis que j'ai l'impression que c'est une fausse interview? Parce que franchement, bon, il y a plein d'informations intéressantes là-dedans, plein d'anecdotes sur les débuts du groupe qui étaient vers 80. Ou 81, je sais plus. C'est pas suivi, donc je sais pas, peut-être que ça a été rabouté d'un bout à l'autre. En tout cas, c'est peut-être pas une interview qu'il y aura qui a numéro été 3 récemment, vu qu'il y a que donc, le fameux gars de Chaos, chanteur de Chaos et fondateur, est décédé en 2007. Mais ça vaut quand même le jus, hein, parce que là tu vois comment ça se passait à l'époque. Les mecs, ils devaient des fois courir pour sauver leur vie. C'est pas comme quand t'as une petite baston sympa à la sortie d'un concert ici. Et là-bas, c'est, ils étaient poursuivis par les fermiers avec des flingues, quoi. Bon. ou des espèces de rocabs dégueulasses, quoi. Enfin, il y en a aussi du côté de Lille. Hein. Sinon, qu'est-ce qu'on y trouve aussi là-dedans? Il y a une interview de La France Pue, le gars de Saint-Étienne, là. Qui fêtent leur 20e anniversaire d'organisation de concerts, et d'émissions de radio aussi, il me semble qu'ils font ça. Et donc, ils parlent de ce qui se passe à Saint-Té. On a les Malaisiens de Apparatus. Il y a aussi un autre groupe finlandais avec une chanteuse qui s'appelle Vivi Saxio, qui a officié de 80 à 85 à peu près. Après ça, qui a entendu, j'ai oublié mon truc, donc j'ai oublié ce que j'avais écrit, donc je refais tout ça de mémoire. Ils sont ressortis maintenant, quoi. Enfin, ils ont eu un hiatus de plus de 20 ans. Ouais. Où ils avaient autre chose à faire, je sais pas, ils avaient des gosses, ils avaient l'amitié. Tout ça, c'est trouvable le fanzine No Country for Old Men, ouais, c'est ça? Old Punk. au chapitre des trucs récents, il y a une interview des Espagnols de Nafra, il y a aussi le gars de Toulouse Crust, Phil, qui parle du fait que c'est vraiment la merde d'organiser des concerts crust à Toulouse. À mon avis, dans beaucoup de villes de France, c'est un peu pire même. Ouais, non, mais c'est je pense encore pire que Toulouse, mais bon, il raconte quand même des trucs, ouais, c'est un peu chiant, parce que bon, déjà pour trouver des endroits, c'est le merdier. Et puis sinon, il y a aussi DC's, il y a aussi une interview d'une nana qui est dans une équipe de roller derby, qui est assez intéressante. Et puis un bon paquet de chroniques de cinéma, à lire. Tout ça à lire, tout ça en couleur, tout ça bien fait, tout ça. Je suis jaloux. Non, c'est la couve qui est en couleur. Et si on veut se le procurer, on fait comment? Si vous voulez vous le procurer, bah vous téléphonez au 03 29 12 400 pendant les plages musicales. Là, il vous reste 4 minutes pour le faire, parce qu'après ça, on sera plus là. Et la semaine prochaine, on sera pas là non plus. Donc c'est le numéro 2 de No Country for Old Punk. On peut quand même envoyer un message sur le Facebook ou sur le Gmail. Par exemple, sur pyongyangcityrockers@gmail.com. Et maintenant, pour illustrer tout ceci, voici un petit titre de Chaos avec deux A, pas comme Yukun Kun. Voici Chaos avec Le Travail Tu le tapes pas. Thanks. Allez, envoie, envoie. Envoie. Oui. Bah, c'est bon, c'est déjà commencé. Hein. Ouais, mais ça passe là ou pas? Ah, bien sûr. Non. Plus fort. Oh, vas-y, plus fort. Non, bah, il nous reste à peine une minute, là, un peu plus. Non, non, un peu moins. C'est The Fall, mais je le repasserai en entier parce que c'est vraiment excellent. Il vous montre ce qu'on peut faire avec quasiment une seule note aussi. Et je sais plus s'il y a du clavier ou pas. En tout cas, c'est The Fall pour commémorer le 5e anniversaire de la mort de Mark E. Smith, leur génial leader. La chute, on a fini ce Pyongyang Sea Rockers numéro... J'espère que ça sera la chute aussi 179. De notre gouvernement, ouais, face aux manifestations. On se retrouve demain à la manif à Roubaix, ou mardi prochain à la manif enfin pour la grève nationale contre la réforme des retraites, et puis pour foutre le bordel. On ne se retrouve pas mercredi prochain parce qu'il n'y a pas de Pyongyang Sea Rockers, donc dans deux semaines, on sera le 8. Ouais. Ouais. Je crois bien, ouais. C'est ça, on sera le 8, le 8 mars. Et donc, bon, bah voilà. Allez, il reste 20 secondes. Youpi. Allez. À la semaine prochaine, on vous laisse avec Disgrinder, B-Boy Bouillabaisse et ce soir, c'est occupé. Et comment ça? Écoutez, Radio Campus 106,6.